Avertissement. L'émission qui va suivre s'adresse à un auditoire avisé car elle comporte des choix musicaux très rock et dérangeants, ainsi que des propos déstabilisants de la part du dérangé Dr. Pendragon. Les âmes sensibles sont priées de s'abstenir et de choisir plutôt immédiatement une station de balade ou de pop gomme balloon. Nous préférons vous en informer. Après-midi, le papier, le tabac, le briquet. Cette émission rock classique en ce vendredi 2 décembre 2016. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 7 prochaines heures. Malheureusement, encore une fois, sans mon ami le Dr. Pendragon, puisqu'il est retenu encore une fois aux États-Unis pour affaire. On ne sait pas pour quelle affaire. Il n'a pas spécifié dans ses courriels, mais il a fait son émission réanimation dans son château mardi dernier. Il va le faire encore mardi prochain, mais il sera pas rock classique ni cette semaine, ni l'autre, ni dans 2 semaines. Il sera pas là, en fait, du mois de décembre. Il va être uniquement de retour en janvier. C'est mystérieux tout ça, mais le docteur m'a spécifié que cette année, il n'a pas l'intention d'aller aider le Père Noël. Mais oui, ils se sont chicanés l'année dernière et le doc ne veut plus lui parler. Hein? Grosse surprise. Donc, aujourd'hui, je vous présente en solo la première partie de la rétrospective rock classique 2016, c'est-à-dire qu'on va faire le tour de tout ce qui s'est passé des mois de janvier à avril. On va faire le tour des albums qui sont sortis à ce moment-là, des spectacles marquants et de tout ce qui s'est passé d'important dans le monde du rock au début de l'année. Parmi les artistes qui ont marqué la première moitié de 2016, vous retrouverez Megadeth, Anthrax, Amon Amarth, Ace Frehley, Cheap Trick, Wolfmother, Monster Truck, Steve Hill, Black Mountain, Voivod, Iron Maiden, Steel Panther, Person, Black Sabbath et David Bowie. Dans la première heure, je vais vous présenter notre portion traditionnelle qui fait place à l'histoire, soit les éphémérides et la chronique des groupes obscurs, mais aussi une face complète de non pas seulement un, mais bien 2 albums vinyles classiques qui sont parus il y a exactement 35 ans ce mois-ci, soit Welcome to Hell, un album révolutionnaire de Venom, et For Those About to Rock, We Salute You, d'AC/DC, qui sont parus tous les deux en 1981. Donc, encore une fois, une autre émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débutant force et de se mettre dans le bain pour les éphémérides, je vous propose d'écouter une pièce des Beatles chantée par Ringo Starr. I wanna be your man. C'est fou. I wanna be your lover, baby. I wanna be your love you like no other, babe, like no other can. Love you like no other, babe, like no other can. I wanna be your man, I wanna be your man, I wanna be your man, I wanna be your man. The Beatles, avec la pièce I Wanna Be Your Man, tirée de l'album With the Beatles, qui est paru il y a 53 ans, en décembre 1963. J'ai passé la version stéréo qui est pas mal moins bonne, hein, avec un mixage bizarre, là, les voix à droite et l'instrumentation à gauche, là. C'est très questionnable comme idée. Je voulais passer la version mono, je me suis trompé, désolé. Il s'agissait d'une pièce chantée par Ringo, mais qui a été composé par John et Paul, qui l'avait fait pour les Rolling Stones à l'origine, et qui a été le premier gros succès des Stones en Angleterre. Ça, c'était avant que Mick Jagger et Keith Richards se mettent à écrire leur propre chanson pour les Stones, hein, parce qu'au début, les Stones jouaient uniquement des reprises de chansons d'autres artistes, et ils ont été inspirés par les Beatles comme ça à écrire leur propre chanson. On va reparler de Ringo et les Beatles dans un moment. 10h08, et oui, une heure à l'avance pour Rock Classic, mais il y a tellement de matériel que je devais débuter faire une heure de plus cette semaine pour cette rétrospective 2016. Mais évidemment, comme le veut la tradition, c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la journée du 2 décembre? D'abord, en 1964, Ringo Starr entrait d'urgence à l'hôpital de Londres pour se faire retirer l'appendice. Et à ce moment-là, en pleine Beatlemania, là, c'était une vraie tragédie nationale en Angleterre et aux États-Unis. En 1970, afin de sensibiliser la population à ce qu'il considérait comme la menace numéro un pour la santé des musiciens, le chanteur des Animals, Eric Burdon, mettait sur pied une campagne qu'il a appelée Curb the Clap. Pour mousser sa campagne, Burdon avait promis de faire parvenir à chaque donateur de Los Angeles de la LA Free Clinic un autocollant pour voiture sur lequel était inscrit Curb the Clap, qu'on pourrait traduire en bon québécois par modérons les doses. En 1971, Led Zeppelin lançait la chanson Black Dog en 45 tours aux États-Unis. Et oui, Led Zeppelin, ben, en fait, l'étiquette de disque Atlantic lançait des 45 tours comme ça de Led Zeppelin en Amérique du Nord, alors que le groupe refusait carrément de le faire en Angleterre. En 1972, Carly Simon lançait You're So Vain, hein, immense classique sur lequel on retrouve la voix de Mick Jagger. Un an plus tard, en 73, les Who et certains de leurs amis étaient emprisonnés pour la nuit à Montréal après avoir fait pour $6,000 de dommages dans une chambre d'hôtel après un concert au Forum. Le bassiste John Entwistle a par la suite rapporté cet incident dans la chanson Cell Block Number 7. Et oui, il était très, très tannant, les Who. Dans leurs jeunes années, il y avait de la difficulté à se trouver des hôtels pour se loger. Le Zeppelin aussi avait ce problème-là. Souvent, il prenait le nom d'un autre groupe pour louer des chambres, là, parce que sans ça, personne ne voulait louer ni au Who ni à Led Zeppelin. En 1982, l'album Rock in a Hard Place d'Aerosmith faisait son entrée sur les palmarès. Album vraiment, je l'ai dit souvent, là, c'est un album qui est vraiment sous-estimé. Le docteur aussi aime beaucoup ce disque. En 1986, Jerry Lee Lewis s'était admis à la clinique Betty Ford pour une dépendance aux antidouleurs. Hein, très surprenant, ça. En 1988, Paul Stanley, Gene Simmons et Willie Nelson étaient réunis à l'émission Geraldo pour discuter de leur respect et leur passion pour les groupies. Et oui, le sujet de l'émission était « Sex on the road ». Et finalement, en 2003, Alice Cooper recevait son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, étoile qui est située entre celle de Gene Autry et Hugh Hefner. Je trouve que ça convient bien, ça, Alice, entre Gene Autry et Hugh Hefner. Et c'est ce qui complète les éphémérides du 2 décembre. Nous allons aller en musique avec, justement, une pièce d'Alice Cooper qui date de ses bonnes, très, très bonnes années. Ben, la fin de sa... de ces très bonnes années, la pièce Muscle of Love. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule, absolument la seule. Cherchez pas ailleurs, nous sommes les seuls à ces fous pour diffuser du rock. Cooper avec la pièce titre de son album Muscle of Love, le dernier qu'il a enregistré avec le groupe original qui portait son nom en 1973 et avec lequel il a fait ce qu'il a vraiment fait de mieux dans toute sa carrière. Bien sûr, deux ans plus tard, il a sorti son premier album en solo, Welcome to My Nightmare, qui est un des meilleurs, peut-être le meilleur qu'il a fait de toute sa vie en carrière, mais ça s'est vraiment gâché beaucoup, beaucoup et rapidement par la suite. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre. Et oui, une heure à l'avance pour cette émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Le docteur n'est pas là aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi la structure habituelle de l'émission est un peu bouleversée. Et j'ai tellement de matériel pour le début de la rétrospective 2016 que j'avais pas le choix. Fallait que je fasse une heure de plus. Alors, voilà. J'ai débuté une heure à l'avance. Pour ceux qui écoutent la rediffusion, ça n'a aucun changement, ça a débuté à midi, comme toujours. Nous en sommes maintenant venus à la chronique des groupes et des artistes obscurs. Cette semaine, je vous parle d'un groupe danois du début des années 70 du nom de Midnight Sun, soleil de minuit, ce qui n'est pas tellement de circonstances ces temps-ci, hein? Ils se sont formés à la fin de l'année 69 sous le nom de Rainbow Band, un septuor constitué de musiciens très connus au Danemark à l'époque et qui s'étaient réunis comme ça dans l'intention d'inventer quelque chose de nouveau. Le groupe s'est constitué autour du guitariste Pierre Frost, ex, qui avait fait partie du groupe Young Flowers, le chanteur Lars Bisgaard, qui lui avait fait partie des Maxwells, le batteur Karsten Smedesgaard, qui lui avait fait partie des Beefeaters, et le saxophoniste et flûtiste Ben Hasselman, ainsi que deux musiciens de jazz, le pianiste Nils Bonstrand et le bassiste Bo Stiff. Le moindre que l'on puisse dire, c'est que le deuxième album homonyme du groupe anglais Traffic a eu un impact énorme sur le Rainbow Band, mais il semble que leurs influences principales étaient les groupes américains Blood, Sweat and Tears et Chicago, mais ils sonnaient pas du tout comme eux, vous allez pouvoir le constater. L'objectif premier du groupe était de faire une synthèse de rock et de jazz dans un cadre progressif, ce qui était révolutionnaire et à peu près jamais vu à l'époque. Ça n'a pas été long qu'ils se sont fait remarquer et ils ont enregistré un premier album homonyme qui est sorti en décembre 70. Toutefois, le groupe s'est rapidement fait dire qu'il existait déjà un autre groupe qui portait le nom de Rainbow Band, un groupe canadien en passant, et les Danois ont décidé de changer de nom pour prendre plutôt celui de Midnight Sun. On ne sait pas trop pourquoi, mais en changeant de nom, ils ont décidé de réenregistrer leur album et de le ressortir sous le nom de Midnight Sun. C'est très étrange comme démarche. Le chanteur Lars Bisgaard a été remplacé par un nouveau du nom d'Alan Martinson, ex-Tears, et le disque est sorti à la fin de l'année 71 sur l'étiquette majeure MCA. Il est paru dans une très belle pochette conçue par le célèbre artiste anglais Roger Dean, qui a conçu la plupart des pochettes de disques iconiques de Yes. Midnight Sun est probablement le seul groupe scandinave pour lequel Roger Dean a travaillé dans les années 70. Question de vous donner une bonne idée de ce que la musique de Midnight Sun avait l'air, je vous propose d'aller tout de suite écouter deux morceaux tirés de ce disque homonyme très rare du début des années 60. Seulement deux pièces, mais il y en a une là-dessus qui fait quand même une quinzaine de minutes. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock obscur à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h.

Un groupe très obscur, les Danois de Midnight Sun. Nous venons d'entendre deux pièces tirées de leur premier album homonyme paru en 1969. Nous venons d'entendre la longue pièce Living on the Hill qui est probablement le point d'orgue de l'album, mais aussi de la carrière de Midnight Sun. Certains jugent que la première version de ce disque qui est sorti sous le nom de Rainbow Band était supérieure à la relecture qui en a été faite une fois que le groupe s'est rebaptisé Midnight Sun quelques mois plus tard, quand ils l'ont réenregistré, mais tous s'entendent pour dire que les deux versions de la longue pièce Living on the Hill sont aussi bonnes l'une que l'autre, autant la relecture que l'original. C'était précédé de la pièce Talkin' qui ouvre l'album Midnight Sun et qui s'intitulait à l'origine Where Do You Live sur la première mouture du disque paru sous le patronyme de Rainbow Band. Cet album a connu le premier homonyme de Midnight Sun a connu un bon succès en Scandinavie et le groupe a remis ça l'année suivante avec un autre album intitulé celui-là Walking Circles, et dont je vais vous parler la semaine prochaine. C'est donc un rendez-vous. 10h41, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Le docteur n'est pas là aujourd'hui et c'est pourquoi la structure habituelle de l'émission est un peu bouleversée. J'ai commencé une heure à l'avance et c'est pourquoi aussi nous en sommes déjà venus au segment de l'émission où nous vous proposons à chaque semaine une face complète d'un album vinyle classique. Cette semaine, je vous en présente non pas seulement un, mais bien deux albums vinyle classiques. Tout à l'heure, je vais vous présenter une face du disque For Those About to Rock, We Salute You d'AC/DC qui est sorti le 23 novembre 1981. Mais tout de suite, je vous présente un album absolument révolutionnaire qui est paru il y a 35 ans, en décembre 1981. Welcome to Hell de Venom. Il s'agissait du premier album studio de ce trio anglais qui ne faisait pas dans la dentelle ni la subtilité. Il est sorti cet album sur l'étiquette Neat Records à l'apogée de la vague de métal britannique, la New Wave of British Heavy Metal. Un album qui est considéré par plusieurs comme un des plus influents de l'histoire du rock et du métal, surtout puisqu'il a eu une influence majeure et décisive sur les mouvements speed, thrash, death et black metal. Pas si mal pour un disque qui a été enregistré en 3 jours avec des moyens très, très, très réduits, dont la faible production en est éloquente. Très bruyant, Venom ont surpris tout le monde en créant quelque chose d'absolument inédit à l'époque. Tout simplement, la musique la plus sauvage et brutale de tous les temps jusqu'à ce moment-là. Si Motorhead était considéré en 1981 par la plupart des gens comme le groupe de musique le plus extrême du monde, eh bien, il faisait figure de groupe grand public à côté de Venom, dont on disait que c'était Motorhead puissance 10, rien de moins. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la phase 2 de ce classique du métal, Welcome to Hell de Venom. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai de vrai rock et du métal à Trois-Rivières. Je ne suis pas ailleurs. Nous sommes les seuls assez fous pour le faire.

dans la dimension rock. Hit me! We'll be right back. Romantique Venom. Nous venons d'entendre la face 1 au complet de leur album Vinyl Classic Welcome to Hell, paru il y a 35 ans en décembre 1981. Nous venons d'entendre Red Light Fever. C'était précédé d'un succès, je dirais, du métal In League with Satan, précédé de Angel Dust, Thousand Days in Sodom, et au début de cette face B, nous avons entendu Witching Hour. Disque absolument révolutionnaire qui a jeté tous les amateurs de métal de l'époque par terre. La plupart ont été rebutés, mais beaucoup ont aussi crié au génie, dont le journaliste anglais Jeff Barton du magazine Sounds, qui n'a pas hésité à leur donner la plus haute cote, soit 5 étoiles, même s'il précisait que la production était vraiment merdique, allant même jusqu'à comparer de façon humoristique la dynamique hi-fi de Welcome to Hell, celle qu'on pourrait tirer d'une pizza de 50 ans. Barton ajoutait que Venom venait de donner une nouvelle signification musicale au mot cataclysme. C'est sûr que la sonorité, la production de cet album est très mauvaise, particulièrement dans le cas de la batterie qui sonne comme une dactylo par moment. L'encyclopédie AllMusic est presque aussi dithyrambique en lui accordant 4 étoiles et demie sur 5, en précisant qu'avec la pièce Witching Hour, Venom avait établi tous les préceptes du genre speed, thrash, black et death metal. Ce qui est sûr, c'est que cet album a eu un impact et une influence majeure sur de nombreux musiciens, parmi lesquels il faut compter Metallica, Slayer, Anthrax, et ici au Québec sur Voivod, Outrage et Aggression, qui ont fait plein de petits par la suite. Voilà. Dans un moment, je vais vous présenter la chronique sur plutôt une autre face d'un album Vinyl Classic, tout de suite après cette courte pause publicitaire. C'est fou. Vous êtes dans la zone 89.1. La radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Plante Show aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. C'est fou. 11h05. Et oui, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre, depuis plus d'une heure maintenant, en solo, sans le docteur Pendragon, qui n'est pas là et qui ne sera pas là du mois de décembre. Il semble qu'il a des affaires mystérieuses en cours dans le Midwest. Je vous présente maintenant une deuxième face complète d'un autre album vinyle classique paru lui aussi il y a 35 ans, soit « For Those About to Rock ». We Salute You, DCDC, qui est paru le 23 novembre 1981. C'est pas un album révolutionnaire comme l'était Welcome to Hell, mais For Those About to Rock a cimenté le retour en force du rock après le passage vide de la fin des années 70 qui avait vu, entre autres, l'avènement de la disco, punk rock et l'atroce new wave. Période très sombre, du moins jusqu'à la sortie de l'album DCDC, Back in Black, l'album précédent, For Those, avant l'avènement de la vague de métal britannique dont on en a entendu un exemple tout à l'heure, n'est-ce pas, avec Venom. For Those About to Rock, We Salute You. Et d'autant plus remarquable qu'il avait la lourde tâche, comme ça, de faire suite à ce qui était un des plus grands succès de toute l'histoire de la musique, soit Back in Black, mais sans être aussi réussi que celui-ci, il n'en demeure pas moins un très bon album de rock rempli de petits bijoux. For Those About to Rock était le 8e album studio en 6 ans d'ACDC, mais seulement le 2e du chanteur Brian Johnson, qui avait de gros souliers, je dirais, à chausser suite au décès du charismatique Bon Scott l'année précédente. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la face 1 en entier de cet album vinyle classique du rock des années 80, For Those About to Rock. We Salute You, DCDC. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. Cherchez pas ailleurs, nous sommes les seuls assez fous pour le faire. We'll be right back. Dimension rock classique jusqu'à 17h. Bye. ACDC, nous venons d'entendre la face 1 complet de leur album vinyle classique For Those About to Rock, We Salute You, qui est paru il y a exactement 35 ans, le 23 novembre 1981. Nous venons d'écouter l'excellent Snowballed, qui est tout à fait de circonstance comme ça en cette saison froide, mais aussi de réjouissance, quoi qu'il manque beaucoup de neige à ce moment-ci. Mais il s'agit là d'un double sens, hein, Snowballed, puisque Brian Johnson y fait plutôt allusion à quelqu'un qui se fait rouler, berner, magouillé. C'était précédé de la pièce Inject the Venom ainsi que Let's Get It Up qui parle de dysfonction érectile. C'était une espèce d'encouragement aux malheureux, comme ça, bien avant l'invention du Viagra. Et juste avant, nous avons écouté I Put the Finger on You, qui fait aussi référence à la fixation des membres des CDC, qui est absolument évidente et qui évidemment enchantait leur horde de fans adolescents à l'époque. Au début du bloc et de cette face A, nous avons écouté la pièce-titre « For those about to rock, we salute you », qui est évidemment devenu un des plus gros canons en carrière, c'est le cas de le dire, DCDC. Ce disque a connu un immense succès. Juste aux États-Unis, il s'en est écoulé 4 millions d'exemplaires et il a atteint le numéro 1 du Billboard. En fait, « For those about to rock » a longtemps été le seul numéro 1 des CDC aux États-Unis, du moins jusqu'à l'album « Black Ice » 27 ans plus tard, en octobre 2008. Le 12 décembre 1981, hein, un samedi soir, AC/DC était au Forum de Montréal pour un concert à guichet fermé dans le cadre de leur tournée For Those About to Rock. Et bien que j'étais un kid à l'époque, j'ai eu la chance de me trouver là avec une couple de dizaines de milliers de fans et de kids survoltés pour ce concert absolument électrifiant, un des meilleurs que j'ai jamais vu et probablement le meilleur et le plus délirant concert que j'avais vu jusque-là, avec un Angus Young de 26 ans absolument en feu qui a viré complètement tout le monde à l'envers dans le forum, un spectacle puissant et absolument fou dont tout le monde est sorti absolument conquis, une expérience indescriptible 35 ans plus tard, mais qui a laissé des marques profondes, genre d'expérience qu'on ne vit pas souvent dans une vie. Tout était parfait ce soir-là au Forum de Montréal pour AC/DC et la tournée « For those about to rock, we salute ya ». Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face complète de deux autres albums vinyle classiques. Je vais vous présenter les disques Fresh Cream de Cream, bien sûr, et A Quick One des Who qui sont sortis il y aura exactement 50 ans, vendredi prochain, le 9 décembre 1966. C'est donc un rendez-vous. 11h31, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, en solo cette semaine et en fait pour tout le mois de décembre, le Dr. Pendragon est absent. Et je vous rappelle que Rock Classic est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective Rock Classic de l'année 2016 qui débute tout de suite, immédiatement. Cette semaine, nous traitons des mois de janvier à avril. Le 19 février paraissait l'album Victorious, le quatrième du trio australien Wolf Mother. Hein? Nous venons d'entendre une face complète d'un album classique d'un groupe de rock australien, celui qui est le plus célèbre du monde. Et nous poursuivons maintenant avec une formation de la relève australienne du rock, si je puis dire, parce que quand je dis relève, c'est un peu ironique parce que Wolf Mother font tout de même carrière depuis 11 ans, soit depuis 2005 et la sortie de leur excellent premier album homonyme, qui est devenu un classique aussi déjà. L'accueil pour cette quatrième incursion phonographique de Wolf Mother a été tiède. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque les cotes dans la presse spécialisée ont été très, très moyennes. Il y a juste le magazine anglais Kerrang qui lui a donné une excellente cote de 4 étoiles sur 5. C'est le docteur qui l'a présenté à l'émission en janvier. Lui, il l'avait beaucoup apprécié. Personnellement, j'avais été plus réticent initialement, mais après quelques écoutes de la version vinyle, mon appréciation a grandi et je l'aime bien dorénavant ce disque, tellement que je vous propose de débuter cette rétrospective 2016 avec trois pièces tirées de cet album, Victorious de Wolf Mother. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai, de vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Je ne sais pas, nous sommes des seuls assez fous pour le faire, hein? Patriotes en action. Pour l'actualité sportive universitaire et amateur, les jeudis matins à 11h sur les ondes de CIFU. Paraît qu'il y a autre chose à faire qu'écouter nostalgiquement l'hymne national soviétique en attendant grand soir ou que le PQ redevienne un parti de gauche. Ah ouais? Comme quoi? Comme écouter La sortie secours est à votre gauche les lundis 11h sur les ondes de CIFU 89.1. Huit ans après la sortie originale de l'album Monstre, Extérieur présente sa réédition. Oreilles avec les 33 chansons du complot, de la trappe et de feu vol vandalisme. Gros magasin, disquaire indépendant, plateforme de download, streaming, tu peux entendre la trilogie de l'album Monstre au complet maintenant. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. Australien Wolf Mother avec trois pièces tirées de leur album Victorious paru le 19 février dernier. Nous venons d'entendre The Love That You Give qui ouvre le disque. C'était précédé de la pièce titre Victorious. Et au début du bloc, nous avons entendu The Simple Life qui ouvre la face B de cet album vinyle. Vraiment très bon et intéressant pour les amateurs de hard rock. 11h45, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre en solo cette semaine et en fait pour tout le mois de décembre. Le Dr. Pendragon est absent. On ne sait pas trop où il est en ce moment. Et je vous rappelle que Rock Classique est une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective Rock Classique de l'année 2016. Cette semaine, nous traitons des mois de janvier à avril. un excellent retour cette année pour Cheap Trick, ce groupe qui a été aussi intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2016 avec l'album Bang Zoom Crazy Hello qui est paru le 8 avril. Vraiment un très beau retour, surtout Robin Zander, là, le chanteur, il est dans une forme estomacante, sa voix n'a rien perdu de sa force depuis 40 ans. Il y en a qui s'ennuient du batteur original Bonnie Carlos, mais je trouve que le fils de Rick Nielsen, le guitariste Dax Nielsen, il fait vraiment du bon boulot. Le producteur Julian Redmond a participé à l'écriture de toutes les compositions de cet album, ce qui, selon les connaisseurs, n'est pas surprenant, compte tenu du fait que Cheap Trick sont maintenant signés sur l'étiquette Big Machine, qui est spécialisée dans la musique country. Et à Nashville, c'est pratique courante que des producteurs ou des compositeurs extérieurs participent comme ça à un album afin d'assurer, semble-t-il, la qualité du produit. En d'autres termes, de s'assurer que son aspect commercial soit viable. Mais quand on dit commercial, là, c'est quand même pas un album de Bon Jovi, là. C'est un bon disque de Cheap Trick. C'est pas spectaculaire, mais c'est vraiment très, très, très correct. Je l'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup aimé cet album-là lorsqu'il est sorti en avril. J'ai beaucoup écouté au printemps. Alors, on va aller écouter trois morceaux de ce très bon disque. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. Cherchez pas ailleurs. Nous sommes les seuls assez fous pour le faire. Yeah.

des bombes dans tes oreilles avec les 33 chansons du complot, de la trappe et de Feu vol vandalisme. Gros magasin, disquaire indépendant, plateforme de download, streaming, tu peux entendre la trilogie de l'album Monstre au complet maintenant. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Voici maintenant l'Info Campus, présentée par le journal Zone Campus. Jusqu'au 8 décembre, le Bon Camarade et la GEUQTR organisent une collecte de denrées non périssables. Les denrées seront distribuées aux étudiants et des paniers seront placés partout dans l'université pour amasser vos dons. Le 2 décembre se tiendra entre 17h et minuit le 58e Téléthon du Noël du Pauvre à la salle J. Antonio Thompson. Il est quand même déjà possible de contribuer à la cause. Pour donner de l'argent ou devenir bénévole, allez sur le site lenoeldupauvre.com. L'UQTR et les artisans bénévoles de la paix se réunissent pour la grande guignolée des médias. Durant toute la journée du 8 décembre, des bénévoles seront aux différentes entrées du campus. Une autre belle occasion de contribuer à une belle cause. Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez écrire à l'adresse courriel lynne.sancartier@commercialuqtr.ca. Jusqu'au 13 décembre ont lieu les inscriptions pour UQTR en spectacle. Il s'agit d'un tremplin extraordinaire pour les étudiants de l'université qui ont un talent pour la scène. Pour s'inscrire, il faut passer par le kiosque K1B situé près de la cafétéria du pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Il est également possible de s'inscrire via la page Facebook d'UQTR en spectacle. La GEUQTR ouvre deux postes au sein de son conseil exécutif. Il s'agit des postes de vice-présidence aux finances et développement et celui de vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Les mandats se dérouleront entre le 11 décembre et le 30 avril. Des bourses compensatoires sont offertes. Votre curriculum vitae et une lettre de motivation sont exigées pour le dépôt de candidature. Vous pouvez soumettre la vôtre au local 1022 ou 1023 du pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'émission en cours comporte des choix musicaux très rock, pouvant choquer les âmes sensibles, ainsi que des propos et commentaires des animateurs qui sont susceptibles de vous faire pleurer, principalement de la part du dérangé Dr. Pendragon. Nous suggérons aux auditeurs conformistes de s'intoniser immédiatement une autre station, ou mieux encore, fuir. Nous préférons vous en informer. Stay. Trek, nous venons d'entendre trois pièces tirées de leur excellent dernier album Bang Zoom Crazy Hello qui est paru le 8 avril. Nous venons d'entendre Roll Me, c'était précédé de No Direction Home qui a beaucoup tourné ici, assez fou d'ailleurs, et A Heart on the Line, très très très bon disque, et on dirait jamais que le chanteur Robin Zander est rendu dans la soixantaine, il sonne vraiment pas comme ça, absolument pas, on est loin de Bob Dylan. Vous êtes à l'émission Rock Classic et cette semaine, je vous présente la première partie de ma rétrospective 2016. Donc, je couvre tout ce qui s'est passé dans le monde du rock des mois de janvier à avril. Le 19 février, le même jour qu'est paru l'album The Wolf Mother, paraissait celui d'un groupe canadien, celui de Monster Truck, leur deuxième album complet. Monster Truck, qui sont originaires d'Hamilton, en Ontario. Le docteur a beaucoup aimé ce disque qu'il a présenté à Rock Classic en février. Moi aussi, je l'ai bien aimé, cet album, très, très efficace, intitulé Sitting Heavy. Et on va aller écouter tout de suite trois pièces tirées de cet album. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, et la seule, absolument la seule, cherchez pas ailleurs, nous sommes les seuls, assez fous, pour diffuser du vrai de vrai rock. I'm l'émission Rock Classique jusqu'à 17h. Le Quatuor Monster Truck d'Hamilton en Ontario. Nous venons d'entendre trois pièces tirées de leur nouvel album. Ah oui, continue à jaser pendant ce temps-là. Sitting Heavy, il est paru le 19 février. Nous venons d'entendre The Enforcers. C'était précédé de New Soul. Et au début du blog, nous avons entendu Why Are You Not Rocking? Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Et cette semaine, je vous présente la première partie de la rétrospective 2016. Donc, je fais le tour de ce qui s'est passé dans le monde du rock des mois de janvier à avril, inclusivement. Le 4 mars dernier paraissait le nouvel album du guitariste virtuose blues et rock trifluvien Steve Hill, intitulé Solo Recordings Volume 3. Évidemment, il faisait suite comme ça aux trois derniers CD, c'est-à-dire qu'il a été enregistré tout à fait en solo, comme son titre le dit, en direct par Steve, qui joue de la guitare, il chante, il joue des percussions tout seul, live comme ça. Et il va encore plus loin que sur les précédents, parce qu'il joue debout sur ce disque, et il a même attaché une baguette au bout de son manche de guitare pour frapper les cymbales. C'est pas mal plus hot que les Black Keys, hein. Steve est tout seul, et ça sonne l'enfer. Ça sonne plein, extrêmement fort. Donc, Solo Recordings Volume 3, on va aller écouter trois pièces de cet album. Vous êtes là où il y a du vrai rock et du blues, hein? Le seul endroit à Trois-Rivières, c'est fou, 89.1 FM. You gave me love, I didn't deserve. Was there for me, yet I had the nerve to run away, away from you. I couldn't help it, Catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me. So love,

paraît qu'il y a autre chose à faire qu'écouter nostalgiquement l'hymne national soviétique en attendant grand soir ou que le PQ redevienne un parti de gauche. Ah ouais? Comme quoi? Comme écouter La sortie de secours est à votre gauche les lundis 11h sur les ondes de Sifu 89.1. Sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. Quiz aux bénévoles de l'Opération Les Rouges. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Les Rouges? Comptable. Blond. Saint-Pied-Neuf. Familial Rouge. 4 Cylindres, 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech 62 des Chênes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Les Rouges, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Les Rouges au 1-866-DESJARDINS. Une présentation d'Ameublement Tanguay, Groupe CLR, Kia Trois-Rivières et CIFU 89.1. Pour plus d'informations, visitez CIFU.ca. 89.1. Juste avant la pause pub, nous avons entendu trois morceaux tirés du nouvel album, le dernier album de Steve Hill, Volume 3, qui est sorti le 4 mars dernier. Nous avons entendu Smoking Hot Machine, précédé de Steel and Fool and a Rolling Stone. Et au début du bloc, nous avons entendu Damned, un très bon disque de blues rock, pas de blues tout court pour Steve Hill encore une fois. Midi 30 pile, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. En solo cette semaine, en fait pour tout le mois de décembre, le Dr. Pendragon est absent. Il est, je sais pas trop, dans les limbes. Et je vous rappelle que Rock Classique est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Cette semaine, nous traitons des mois de janvier à avril. Est paru au printemps dernier le quatrième album de la formation Baroness. Quatrième album, mais le premier suite à leur accident terrible, accident de tournée, qui est arrivé en tournée en 2012. Leur autobus est tombé dans un ravin et il s'est retrouvé 30 pieds plus bas. C'est quand même assez majeur. Tout le monde a été grièvement blessé dans l'équipe. Personne n'est mort, mais tout le monde a été sérieusement amoché. Ça a pris des mois au chanteur John Baisley à s'en remettre péniblement, ce qui est quand même mieux que ce qu'a subi le batteur Alan Blickle et le bassiste Mac Maggioni, qui ont eu des vertèbres fracturées et qui ont dû arrêter carrément de faire de la musique. Ils ont quitté le groupe, bien sûr. Alors, ce nouvel album, leur quatrième, s'intitule Purple. C'est un peu l'album de la résurrection de Baroness. Vous savez, Baroness choisissent toujours des couleurs pour intituler leurs albums. Il y a le rouge, le bleu, le vert et jaune. Mais cette fois-ci, ils l'ont intitulé Purple pour faire un clin d'œil sur le fait qu'ils avaient tous été blessés dans cet accident, qu'ils avaient du mauve un peu partout sur le corps pendant leur convalescence, mais qu'ils avaient guéri. Je vous propose d'aller en écouter une pièce de ce disque, la pièce Shock Me, qui n'a absolument aucun rapport avec le classique de Kiss It Is Freely. Vous êtes assez fous. We'll be right back. Baroness avec Shock Me, pièce tirée de leur dernier album Purple, paru au printemps dernier. Évidemment, le point faible, le talon d'Achille de Baroness, c'est la voix du chanteur John Baisley, mais quand on le compare aux autres vocalistes du même genre de musique, là, je pense à Killeza, à Torch, à Black Tusk, Bison BC, Mastodon même, il est pas si mal, parce que à part le batteur de Mastodon qui a quand même une bonne voix, je trouve que les autres sont à peu près juste capables de hurler ou grogner. Alors John Baisley, il est pas si mal là, dans son registre. Midi 36, vous êtes à l'émission Rock Classique et cette semaine, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Cette semaine, nous traitons des mois de janvier à avril. Personnellement, l'événement qui est le plus marquant pour moi cette année, ça a été le décès et en ce début d'année, je dirais, là, plutôt, il faut le préciser, c'était le décès et les funérailles de Lemmy Kilmister, le chanteur bassiste de Motorhead, funérailles qui ont été célébrées comme ça en début de janvier. Pour le Doc et moi, là, Lemmy incarnait tout à fait parfaitement le rock et le mode de vie rock and roll qu'il a vécu tout à fait à fond, là, toute son existence. La première émission Rock Classique de l'année 2016, nous l'avons d'ailleurs consacrée au départ de ce géant, ce titan du rock. Mais pour le grand public, l'événement qui est le plus marqué en début d'année, c'est celui de David Bowie, son décès, qui est mort comme ça deux jours après les funérailles de Lemmy. C'est sûr, David Bowie est infiniment plus connu du grand public. Même la tante Denise du Doc là, connaissait David Bowie alors qu'elle n'a aucune idée de qui était Lemmy. Mais il faut dire que le timing du décès de Bowie était absolument stupéfiant. Son dernier disque est sorti le vendredi et il est mort le dimanche soir. On l'annonçait le lundi, ça n'avait même pas l'air vrai parce que tout le monde ignorait que Bowie était malade. Il a caché sa maladie jusqu'à la fin. Ça avait l'air surréaliste. Son dernier disque, Black Star, a été instantanément encensé. Tant mieux. J'ai trouvé que c'était un album très inspiré, d'une originalité certaine, peaufinée, très artistique, dans lequel Bowie s'est confié entièrement dans ses derniers mois. C'est tout à fait digne d'intérêt, artistiquement incontournable. Malgré ça, personnellement, je l'ai pas tellement apprécié et j'ai pas changé d'avis. J'ai toujours ressenti une distance par rapport à la musique de Bowie, musique sur laquelle il a opté pour des sonorités froides, synthétiques, depuis sa période Berlin. Et pour moi, ça me déplaît tout à fait, ces textures et ambiances froides, glaciales. Et je continue à le dire, là, cet album-là, là, quelqu'un qui fume un joint en écoutant Black Star, là, c'est une bad trip garantie. C'est très morbide comme album. Si tu veux faire partir la visite là, à la fin d'un party, là, tu mets Black Star, là, tout le monde va s'enfuir. Ça a plu à l'intelligentsia, mais pas sûr que l'amateur de rock moyen a trippé, lui. Celle que j'ai préférée sur Black Star, c'est la pièce Lazarus qui est sortie à l'automne 2015 comme premier extrait. Le producteur Tony Visconti a dit que Bowie considérait ce morceau-là comme son épitaphe et un dernier commentaire sur sa mort qui était imminente au moment où il l'a enregistrée. Mais on va pas l'entendre, cette pièce. On va plutôt entendre le morceau qui est probablement le plus, je dirais, joyeux, du moins rythmé, vivant sur cet album. La pièce « This Pity She Was a Whore » qu'on écoute tout de suite. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Control.

Keith Emerson à son meilleur avec ses amis Lake and Palmer. Et la pièce instrumentale Blues Variations qu'on retrouve sur un de leurs albums classiques Pictures at an Exhibition qui est sorti en 1971. Bien sûr, Keith Emerson est malheureusement décédé le 10 mars de cette année chez lui à Santa Monica en Californie. Et ça m'a touché puisque ben, c'est quelqu'un que j'admirais depuis mon enfance, Keith Emerson. C'était un virtuose et c'est un peu la cause de sa mort, c'est que son jeu au clavier se détériorait et ça fait qu'il est sombré dans la dépression, une dépression profonde et avec l'imminence d'une tournée qu'il devait entreprendre au Japon, ben il voulait pas décevoir ses fans et puis il s'est suicidé. C'est vraiment terrible, c'est horrible, il s'est tiré une balle dans la tête. Alors on a perdu ce génie en début d'année, le 10 mars 2016, Keith Emerson. Et juste avant, on a entendu un autre grand disparu de 2016, David Bowie, avec un extrait de son dernier album, Black Star. La pièce This Pity She Was a Whore, Black Star, qui a été encensée par les critiques, qui a été très appréciée, qui s'est très bien vendue aussi. Sauf que, bon, on n'en parle plus, malheureusement, de David Bowie. Donc, cet album-là qui a été encensé, a eu l'impact, je dirais, sur le public en général, que l'aurait souhaité l'intelligentsia du rock, n'est-ce pas? Midi 55, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. En solo cette semaine, en fait, pour tout le mois de décembre, le Dr. Pendragon est absent. Il est en quelque part, on sait pas trop, au Midwest. Il va être de retour seulement en janvier. Et je vous rappelle que cette émission, qui en est une entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps, eh bien, aujourd'hui, nous vous présentons la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Nous traitons des mois de janvier à avril. On va y aller maintenant avec deux pièces tirées du maxi de l'excellent Steven Wilson. Maxi intitulé Four and a Half, qui est sorti le 22 janvier. Four and a Half, qui est constitué de chutes de studio du précédent album, And Cannot Erase, et d'une relecture de la pièce Don't Hate Me de Porcupine Tree, qu'il a repris avec la chanteuse, Ninette Taïeb, elle qui chantait sur le disque And Cannot Erase, justement. C'est encore excellent et bon, on dit un maxi, mais il dure une demi-heure. Il y a des albums là, qui durent même pas ça. Là. Lui, il appelle ça un maxi, mais c'est bien un album. Je vous propose d'entendre la relecture de Don't Hate Me, mais tout de suite, la pièce My Book of Regrets qui ouvre le disque. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock et du progressif à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Taxi cab in London town. It's like watching TV with the sound turned down. 'Cause I can feel it. I've got a buzzing in my head when I'm on my way. Deserting ships like shopping malls. Streetcars, they ignore their girlfriends' calls. 'Cause they got plans now. And tonight they won't be home. Just wait till the morning comes. Saw lakes and teenage wrecks in subway worlds. Torn tats with drag queens. Fight suburban girls, but they don't care now, 'cause they'll soon. Just wait till the morning comes. the ground. Yes, I'm someone, but I'm no one all the same. Just wait till the morning comes. Steven Wilson avec sa relecture de Don't Hate Me, The Porcupine Tree. Il l'a fait avec la chanteuse israélienne Ninette Taïeb et on retrouve ça sur son dernier disque, un maxi. Ben, il appelle ça un maxi, mais ça dure quand même trentaine de minutes, intitulé Four and a Half. C'est une des premières parutions intéressantes de l'année 2016. C'est sorti le 22 janvier. C'était précédé de la pièce qui ouvre ce disque, soit My Book of Regrets. 13h15, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre en solo cette semaine. Et en fait, pour tout le mois de décembre, le Dr. Pendragon est absent. Et aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective Rock Classique de l'année 2016. Nous traitons des mois de janvier à avril. Et là, je vous parle du quatrième disque de Black Mountain, cette formation de la Colombie-Britannique, qu'ils ont intitulé de façon très peu originale, Four en chiffre romain, soit IV. Black Mountain, pour ceux qui les connaissent pas, ben, ils viennent de Vancouver, ils font une espèce de rock indie grandement influencé par la musique des années 70, à tendance stoner et doom, mais qui fait aussi une large place à l'expérimentation. Ils mettent surtout en vedette le chanteur, guitariste et leader Steven Bean et la chanteuse Amber Weber, qui a une voix que je qualifierais de spectrale. J'ai beaucoup aimé les précédents disques du groupe, mais ils sont pas très productifs. Hein. En fait, depuis leur troisième album, Wilderness Heart, qui est paru il y a 6 ans, mais ils n'avaient rien fait. Ça fait très longtemps pour un groupe, hein, mais il faut dire que Steven Bean a pataugé dans divers projets musicaux entre-temps, et entre autres avec le groupe Pink Mountain Tops, qui a connu un certain succès dans les stations de radio campus canadiennes dans les dernières années. Donc, le nouvel album de Black Mountain reprenait là où les albums précédents avaient laissé. Et question de vous faire une idée de ce que ça a l'air, je vous propose d'aller en écouter deux morceaux de ce Four de Black Mountain. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. Cherchez pas ailleurs. Nous sommes les seuls assez fous pour le faire. Amen.